j'y entends des nuances. On apprend plus en affirmant qu'en affirmant. Idiot, si je dis rien, c'est que je gagne du temps en observant. Dis pas toujours ce que tu penses sans trahir ce que tu crois. Si t'es pas sûr, alors tais-toi. Si t'as un doute, c'est que t'en as pas la certitude. T'es au bord d'une falaise à chaque parole tu titubes. J'aime pas les mecs qui parlent trop chez nous. Quand tu parles trop, souvent tu pars tôt. Une balle de plus pour une parole de trop, c'est le terminus, blah, même pour un lapsus. Tu aimes proférer des menaces, tes mots laissent des traces. Ta bouche crache des empreintes, ta langue grosse, ta tombe doucement mais sûrement. T'es un inconscient car tu vis sans crainte. Sais-tu qu'il faut savoir qui menace? Y'a des mecs qui ne dorment pas tant qu'ils ne t'ont pas terrassé. Roule en voiture folle, ils te croisent, ils te percutent, te charcutent. Ne t'insultent même pas mais t'exécutent. Les mots ont un poids, l'intelligence sert de balance. Pèse-les, analyse les causes et anticipe leurs conséquences. Yeah. Trop parler est une imprudence, t'iras pas loin sans le respect du silence. Yeah, avec le respect du silence, nos cœurs sont des tombes, on tombe avec nos secrets. Les miens sont les gardiens de mes confidences, elles tombent dans l'oreille d'un sourd, ça c'est le respect du silence. Jamais sans le respect du silence, c'est l'omerda. Les balles sont des fioleurs de liberta. Je porte le silence comme le pare-balles. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui parlent mal. Rares sont les flagrants délits. Un mec entre, un autre cherche la sortie. Alors il parle, témoigne, raconte les détails. Et ta liberté s'éloigne. Aucun respect du silence. Égoïste et hypocrite sont les balances. S'inviter au mariage et fuir les enterrements. Ça se fait, tu veux bien partager, mais jamais plonger. T'aurais peut-être dû y songer avant. Fais pas l'iou, va l'ancienne. Trouve un taf si t'as pas le courage qui va avec la peine. Raconte pas trop ta vie sur ton cellulaire. Les écoutes te conduisent dans le fourgon cellulaire comme Evan. Trop de mecs dans un spectacle, j'acte. Les keufs entrent en coulisses pendant l'entracte. Je remarque qu'il y en a qui volent pour la gloire. Sont plus bavards qu'avares. Ne conçoivent pas de venir riche sans se faire voir. Dis-moi à qui tu parles, je te dirai qui t'a balancé. À qui tu confies tes projets, je te dirai qui t'a défoncé. Juteux sont les fruits de la discrétion. Quand la parole se fait l'ennemi de la progression. Yeah, la neige tombe sur les secrets qu'on m'a confiés. Tellement bien enfouis, je les ai oubliés. Refrain, tu me trouveras derrière des murs de vigilance. Protégé par des montagnes de silence. Yeah. Avec le respect du silence, nos cœurs sont des tombes, on tombe avec nos secrets. Les miens sont les gardiens de mes confidences, elles tombent dans l'oreille d'un sourd, ça c'est le respect du silence. Jamais sans le respect du silence, c'est l'omerda. Les balles sont des violeurs de liberta. Je porte le silence comme le pare-balles. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui parlent mal. Tous les coins sont les mêmes coins, savoir parler, savoir se taire, évoluer ou stagner au même point. Les destins ne prennent pas les mêmes chemins, tout va de travers mais tout se rejoint. On fait les mêmes choses mais pas pour les mêmes besoins. Tout n'est pas rude, tout n'est pas rose, tout ne tient pas parole, tout ne se dit pas, tout ne tourne pas rond. Tout le monde veut avoir un maudit chrome, tout le monde veut tout savoir sur tout le monde. Tout le monde veut sa petite comme le coin vide silence. L'amour en meurt, le sais-tu? La vérité s'est éteinte, même notre silence sais-tu? Surveille tes arrières, nécessité sans loi, ouvre là ou reste sans voix. Le monde tournera quand même sans toi. À tous les gosses qui fascinent et qui troublent, à qui en tirent dans les ailes. Ces gosses pas comme les autres qui parlent peu et qui prouvent. Le monde est ce qu'il est, ils sont ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est leur affaire, une parole d'or et des silences qui en disent long. Nous on est du genre à zapper ceux qui saoulent, écouter ceux qui ressourcent, partager la peine de ceux qui souffrent. Oui, on vit au rythme que le coin joue, cause même devant la bouche comme les affranchis. Car les lourds secrets ça craint le jour. Qui est qui fait quoi, on raconte pas. Qui ne fait rien ne se trompe pas. N'oublie jamais, question famille, on ne compte pas. Marche avec nous, garde tes distances. Cause on est notre époque, ce en quoi on croit. Et on sait ce que le respect du silence coûte. Yeah, avec le respect du silence. Nos cœurs sont des tombes, on tombe avec nos secrets. Les miens sont les gardiens de mes confidences. Elles tombent dans l'oreille d'un sourd. Ça c'est le respect du silence. Jamais sans le respect du silence. C'est l'omerda. Les balles sont des violeurs de liberta. Je porte le silence comme le pare-balles. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui parlent mal.